Selon Yonhap News de Corée du Sud, en date du 17 courant, a été découvert un document qui dénonce le crime d'esclavage sexuel commis par l'ancienne armée japonaise. Le dossier présenté au secrétariat du cabinet du gouvernement japonais par les archives officielles nationales à Tokyo note le contenu des paroles de l'ex-chef de la police spéciale en Indonésie des forces navales japonaises données à un intéressé du ministère japonais de la justice après la guerre, selon lesquelles il a emmené à peu près 200 femmes à l'île de Bali pour femmes de réconfort sur l'ordre des autorités militaires. Le dossier contient aussi une sentence tribunale selon laquelle bon nombre de femmes ont été menacées et contraintes par des moyens violents.